Bienvenue au centre de l'universalité. On dit pas bonjour à cette heure-ci. On dit bonsoir. C'est une parole fausse. Puis quand on n'est pas sûr, on dit allô. Parce que le mieux, c'est peut-être de rien dire. Bon. Voilà, c'est fini. Avec le pouvoir destructeur de la parole, on sous-entend clairement que la parole peut détruire quelqu'un ou quelque chose. Est-ce qu'on détruit... est-ce que la parole peut détruire celui qui parle ou celui qui entend? Faut-il qu'il y a des mots qui existent qui peuvent détruire la matière? Ça me tentait justement d'en glisser un ce soir, une parole qui peut détruire les colonnes, le plafond. De se faire prendre un autre. Détruire le verre. Je vais donner un exemple pratique. Tu peux détruire le verre. Non, mais ces paroles sont trop puissantes, alors toute la bâtisse ici aurait pu tomber. Je pensais, mais c'est fait, si tu veux pas... Je me réserve toujours une petite place, là. Effectivement, la parole, elle détruit. On sait, depuis Jéricho, depuis les Romains, depuis Philippe de Macédoine, depuis Kubilai Khan aussi, depuis aussi les Japonais, depuis l'époque des samouraïs. Et on a réexpérimenté aux États-Unis, en Union soviétique, en Europe, le phénomène de la destruction de la matière par le son. Les Américains ont redécouvert ce phénomène de la destruction de la matière par le son lorsqu'ils ont... développer une structure d'avion, la fusée X-15 pour commencer, et finalement les avions qui avaient la capacité de dépasser la vitesse du son. Et lorsque la première fois, ils ont défoncé le mur du son, c'est l'expression même qui est employée, ils se sont donc appuyés avec leur avion sur une frontière, un mur, qui chauffait l'avion et qui la ralentissait jusqu'à un moment donné où un voile semblait se déchirer totalement dans une explosion massive. Et cette explosion, si elle était à trop basse altitude, avait la propriété de détruire le verre, de faire trembler le sol et même de briser des tympans. Et lorsqu'on avait traversé le mur du son, eh bien l'avion prenait de la vitesse et les pilotes ne s'entendaient plus parler. Il y a une résistance dans l'avion, mécanique. Oui. Le son dans l'avion va à la vitesse de l'avion, mais dehors, les pilotes n'entendent plus rien. Ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant au niveau du son. Maintenant, pour que le son puisse détruire, ce qu'on a pu constater depuis le début des temps, c'est qu'il fallait énormément de puissance sonore. Donc, il fallait créer dans l'air une vibration telle qu'elle engendrait une correspondance dans la matière, faisait vibrer la matière à un point tel que celle-ci s'effritait. Maintenant, il y a déjà eu, il y a encore aujourd'hui des possibilités, mais il y a eu des personnages dans l'Antiquité qui avaient aussi par la parole la possibilité de détruire. Par le mot et non par le son. Exact. Donc, ils avaient une parole juste et ils avaient aussi une voix juste. Et on, dans le chimiquement, voix juste plus parole juste égale verbe. Et le verbe a la faculté théorique de créer et pratique de détruire. Dans ce monde que nous appelons la Terre, il a toujours été plus facile de détruire que de créer. Alors, nécessairement, la majorité des forces qui servent l'homme ou qui asservent l'homme servent normalement, sont canalisés vers la destruction. Des vestiges encore de notre phase d'évolution qu'on connaît depuis 4,5 milliards d'années. Mais, étant donné que l'être humain, présentement, est dans une phase d'évolution, une phase d'ascension depuis près de 35 millions d'années, la parole qui, jadis, servait à bâtir, servait à communiquer, servait à s'exprimer, servait finalement à détruire, a recommencé dans le sens inverse, elle a servi aussi à détruire, elle a servi quelque peu à construire, surtout à travers des chants. L'être humain avait la possibilité de construire, surtout en chantant. Alors, il avait des chants magiques et aussi des airs sonores qui provenaient de certains instruments, une flûte entre autres. Et à travers l'évolution de l'homme, eh bien, on a recommencé avec la parole à communiquer. On a réussi encore à servir l'humain, à commander l'humain. Et on en arrive aujourd'hui à un point clé de l'évolution de l'humanité, du moins de l'humanité d'un nord planétaire, un point clé où la parole doit être juste pour permettre l'expression convenable de l'intelligence chez l'homme. Et normalement, la mécanicité qui permet cela est un ajusteur de pensée qui va ajuster la pensée dans la tête de l'homme, pensée qui n'appartient pas à l'homme, pensée qui était assujettie aux manipulations astrales, aux manipulations du monde de la mort, aux manipulations de la mémoire. Et à travers cet ajusteur de pensée, va donc passer une énergie plus contrôlable et plus contrôlée, qui va s'exprimer pendant une parole juste, permettant à l'homme d'arriver à démolir la parole fausse, la parole qui détruit l'homme. Alors, depuis que l'être humain est en phase d'évolution, il a une parole, il a appris à parler différentes langues, il a créé des langues pour parler, il a créé des concepts à travers ces langues, et ces concepts véhiculent des idées, des archétypes comme des néotypes, des vieilles et des nouvelles formes. Maintenant, l'être humain qui parle se détruit en parlant. Cela fait partie des vestiges des forces d'évolution, et l'être humain qui parle, normalement, détruit aussi ceux qui écoutent. Et ça, c'est planétaire. Arrête, tu vas faire vider la salle. Ouais, mais je parle, je ne détruis pas. Pourquoi? Parce que tu bois en parlant? Non, je ne parle pas quand je bois. Pourquoi tu ne détruis pas? Pour la simple raison que j'ai une parole juste. Quelle est la différence entre une parole juste et une parole fausse? Une parole juste, c'est une parole juste, et une parole fausse, c'est une parole fausse. Ça, c'est une parole juste. Simple. Alors, les exemples sont fracassants d'évidence. On écoute la radio, on écoute la télévision, on écoute les gens avec qui on parle entre nous, et on se rend compte que n'importe quelle personne qui travaille avec la parole, plus un individu a à parler, plus il doit se stimuler souvent, plus il sera dépressif, plus il aura besoin de se remotiver, plus il aura besoin d'aller têter autrui, un motivologue, un psychologue, sa femme, son mari, ses enfants, ses voisins, ses collègues. Plus un individu parle, plus il se détruit. Parce qu'ils dépensent de l'énergie ou parce qu'ils s'auto-attaquent? Il y en a qui dépensent de l'énergie énormément, mais parce qu'ils se détruisent, parce qu'ils s'auto-attaquent. C'est-à-dire qu'on a dans la conscience de l'homme, premièrement, la parole est ce qui instruit l'ego. On a déjà parlé souvent de l'ego. On a parlé souvent du virus qui empoisonnait le corps de l'homme, qu'on appelle l'âme, qui était habité par un ego et qui empêchait la descente de l'intelligence dans l'homme, donc la descente de l'Esprit Saint, d'un esprit pur, non coloré par l'ego de l'homme. Et la parole est le véhicule qui va permettre d'instruire l'ego des structures descendantes de l'esprit, donc de l'intelligence. Lorsque l'être humain dit « ça parle dans ma tête », ce n'est pas un ajusteur de pensée. L'être humain qui a de l'intelligence, ça ne parle pas dans sa tête. Il n'est pas en contact avec un véhicule intelligent. Il est l'expression même de l'intelligence, il est le véhicule. Donc, ça ne parle pas dans sa tête pour lui dire quoi faire. Il dit ce qu'il dit et il fait ce qu'il fait. Il n'est pas manipulé dans ce sens qu'il n'a pas un maître, un gourou, un vichou, quelque chose, qui communique avec lui puis qui lui dit « Ah non, c'est pas correct de boire de l'eau quand il y a du public. Ah non, c'est pas correct de faire ceci. Mouche-toi, tu morves. » C'est pas ça. L'être humain qui a de l'intelligence, il parle. Et au fur et à mesure qu'il parle, il s'écoute. Il s'écoute par la trompe de Stache. Certains diront la trompe de Fallope. Ça n'est pas des dictionnaires. Bon. Alors, il s'écoute par la trompe de Stache, plus que par son système auditif, mais c'est le même phénomène. Et il corrige au fur et à mesure ce qu'il dit. L'individu qui a une parole fausse ne s'écoute pas. Il écoute ce qu'il va dire. Il s'entend dans sa tête avant. Avant de parler. Il écoute ce qu'il va dire. Il n'écoute pas ce qu'il dit. Et bien souvent, il va dire à quelqu'un, « Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. » C'est pas ça que tu voulais dire. Qui a parlé? Ou pourquoi l'as-tu dit? L'humain va dire encore, mes paroles ont dépassé ma pensée. Qui parle? C'est donc une manipulation dans la parole? Ben, c'est oui, je me suis laissé emporter. Même chose. Il y a une manipulation, mais il y a une manipulation qui est plus ou moins facile à détecter, dans le sens que c'est évident que si nos paroles dépassent notre pensée, il y a un problème majeur chez nous. Si ce n'est pas ce que l'on voulait dire, peut-être que ce n'est pas ce qu'on voulait que l'autre entende ou comprenne. Il y a une nuance. Moi, je dis, c'est beau. Et puis toi, tu pars avec tes appareils photo, ta caméra, tout ça, tu dépenses de l'argent, tu t'envoies là-bas, puis tu te rends compte que c'est pas beau. Tu reviens en me disant, oui, mais tu m'as dit que c'était beau. Alors, ou bien c'est pas ce que je voulais te dire, ou bien c'est pas ce que je voulais communiquer. Autrement dit, c'est pas ce que je voulais que tu comprennes. Mon mot « beau » désigne pas la même chose que ton mot « beau ». Il y a une nuance de valeur. La parole « juste » est une parole qui ne peut pas être interprétée par celui qui écoute, premièrement. Et deuxièmement, la parole « juste » est une parole qui ne détruit pas ni celui qui parle, ni celui qui écoute. Par contre, elle peut contrôler et manipuler celui qui écoute, mais elle ne le détruit pas. Ça peut donc être dangereux, la parole « juste », si mal utilisée. Non. La parole « juste », ce n'est jamais dangereux. Mais si tu peux contrôler, manipuler? Oui, mais on contrôle de toute manière. Celui qui a une parole juste a aussi de l'intelligence. J'aime autant être contrôlé par quelqu'un qui est intelligent que par quelqu'un qui a une parole fausse, totalement manipulé par ses émotions, ses structures réincarnatives, le monde astral ou autre chose. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ne peut pas avoir une parole juste. Non. Il peut sembler, mais on peut l'enterrer facilement avec un petit peu d'énergie mentale dans la voix. On peut l'enterrer en lui posant une question ou deux. Tu arrives avec ton semblant de parole juste et moi, j'ai juste à te demander, toi puis ta femme, ça va bien? Je ramasse une structure astrale, une structure émotive. En partant, ta parole va, dans ta parole, il va y avoir un trémolo, expression même de ton ego, donc de ta psychologie, et ta parole juste, le semblant de parole juste disparaît immédiatement. Si tu touches les émotions? L'individu qui fait semblant est fait. Alors, qu'est-ce qu'une parole fausse? Bon, parole fausse, c'est une parole destructrice. C'est une parole fausse, c'est ça que tu as dit, Nando. Oui, c'est une parole destructrice. J'ajoute des mots maintenant pour que tu comprennes. C'est une parole destructrice. Ça détruit. Premièrement, l'individu qui, dans la structure, dans la conceptualisation de notre ego, de notre monde astral, de notre âme, on pourrait visualiser des tiroirs de mots. Des tiroirs dans lesquels sont classés des mots. Dans ces tiroirs dans lesquels sont classés des mots, il y a un ordre. Un ordre émotif et non pas un ordre logique. Dans l'âme, rien n'est logique. Tout est émotif. C'est-à-dire, c'est classé selon la chronologie des entrées. Ce que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est classé en premier. Et par la suite, si j'ai renourri cela en revivant les mêmes expériences avec mes habitudes, mes traditions, eh bien, c'est en premier. Et dans ce tiroir, il y a entre 200 et 350 mots dans la majorité des cas. Et l'individu qui parle se sert, parce qu'il est paresseux du point de vue de son ego, il est pressé, impatient. Et il veut gagner sur autrui, il se sert de ces mots-là, 200, 350 mots. Les premiers au bord. Exact. Tous les autres mots, eh bien, il peut les comprendre s'il lit quelque chose, s'il entend quelqu'un parler. Mais il n'aura pas les mots pour le dire. Ça va de soi. Il n'a pas l'habitude d'aller fouiller dans le reste de ces mots. Il prend les mots usuels. Et dans ces mots usuels, la première chemise que l'ego va rencontrer lorsqu'il veut s'exprimer, ça va être des mots énergétiquement capables de supporter un paquet de choses. Des mots dynamites. Alors, il y aura le mot « tabarnak » dans le langage québécois. Alors, la personne peut dire « tabarnak, c'est loin. Tabarnak, c'est proche. » Mais c'est deux choses différentes. « Tabarnak, c'est beau. Tabarnak, t'es laid. Tabarnak, t'es vite. Tabarnak, maison. » Ce mot est un mot usuel, un mot clé. Ça fait partie de la parole destructrice. Ça détruit l'égrégore divin parce que les églises nous interdisent de sacrer, parce que chaque fois qu'on emploie un de ces mots, on prend de l'énergie dans l'égrégore catholique. Seuls les prêtres peuvent s'en servir. Et c'est pourquoi on l'interdit. Donc, ça détruit l'égrégore catholique, mais ça, c'est son affaire. Mais où ça détruit l'homme? Ça détruit comment quand on sacre? Quand on a des patois? Ça peut être creuse mon homme, comme j'ai déjà entendu. Et creuse mon homme que ça va mal. Sacre à bout de crapaud de malheur. Bon, il y en a un patois. Le patois est une oblitération mentale. Il permet au cerveau, donc il permet à l'individu, de rester paresseux dans son langage, donc de rester paresseux dans sa pensée, de rester paresseux dans sa communication, et il s'assujettit à être hyper et totalement collectif. Parce qu'en prenant un mot faux dans le genre « creuse mon homme », Ça veut dire c'est pire. Commençons par les faciles. En prenant un mot faux dans le genre « patois », eh bien, on sous-entend que juste le fait de mettre de l'énergie avant un concept, normalement, on devrait manipuler suffisamment les psychologies faibles autour de nous pour qu'ils comprennent ce que l'on veut dire. Les patois, ce sont des mots extrêmement dangereux qui détruisent l'humain parce que l'humain devient paresseux. J'ai vu une belle montagne. J'ai vu une montagne merveilleuse. J'ai vu une montagne fantastique. Ce que j'ai vu était formidable. C'était époustouflant. C'était... Une tabarnak de belle montagne. Voilà. Là, c'était beau en tabarnak. C'était en tabarnak que c'était beau. Là, toutes les synonymes qui... Parce que dans la langue française, comme dans n'importe quelle langue, un synonyme n'est jamais exact. Il n'y a pas un mot dans aucune des langues qui veut dire la même chose. On prend un dictionnaire de synonymes, puis on regarde un mot, puis on regarde tous les synonymes. Il y a des nuances, des subtilités. Ces subtilités, ce sont des subtilités énergétiques. De perception ou de conceptualisation. Ce que l'on veut dire, il y a des nuances. Ce n'est pas un bloc massif qui est noir ou qui est blanc. Il y a tout un paquet de teintes de dégradés en ouvert vers le gris. Mais l'être humain qui se sert de patois se détruit totalement en ce sens qu'il est subitaire au niveau de sa conscience. Il s'empêche de fonctionner. C'est sûr qu'il n'y aura pas les mots pour le dire. Les seuls mots qu'il y a, c'est « Christ, tabarnak, creuse mon homme, sacrabeau de crapaud de malheur », etc. Fait que lui, c'est... il n'a pas besoin d'utiliser une teinte de gris. Il prend n'importe quel dans le bloc. Ben, il prend du blanc, il met tabarnak, c'est blanc. Il prend du noir, il met tabarnak, c'est noir, etc. Ou tabarnak, c'est pas noir. Bon. Là, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est entre les deux. Puis c'est à celui qui écoute de travailler pour faire la nuance. C'est pourquoi tout ce que celui qui a une parole fausse dit est facilement interprétable. Bon. Un politicien serait d'ailleurs d'avis avec ce que je dis. Il dirait, moi, je parle, et puis c'est le peuple qui interprète, qui pense que j'ai promis ça. C'est la faute du peuple. C'est pas ça que je voulais dire. C'est ça, c'est pas ça que je voulais dire. Ils vont tous dire ça, après les élections. Surtout ceux qui gagnent, c'est pas ça qu'ils voulaient dire. L'être humain qui se sert donc de patois est un paresseux. Mais ce n'est pas lui qui est paresseux, c'est sa conscience qui est suffisamment obnubilée par la manipulation astrale qu'à travers sa parole sort continuellement des formes pour le rendre plate. Comment voulons-nous avoir une conscience qui évolue? Comment voulons-nous arriver à nous poser des questions convenables? C'est important la façon dont on pose une question. La personne qui se dit « qu'est-ce que je fais ici? » Puis dans sa conceptualisation, la réponse c'est « ben, t'es en train de manger, niaiseux. » C'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire « qu'est-ce que je fais ici, sa planète? » Mais l'énergie qui est dans son petit tiroir, c'est « qu'est-ce que je fais ici? » Tentative de question cosmique. Et là, avec sa fourchette, « qu'est-ce que je fais ici? » Puis dans sa tête, « ben, tu manges. » Ah ben, c'est vrai, je suis niaiseux, je mange. La personne qui n'a pas le langage ou la personne qui a un langage hyper faux ne peut pas arriver à se conscientiser seule. Et c'est extrêmement important de comprendre ce que je dis. Ça veut dire qu'une personne qui a un langage faux aura toujours besoin de lire, d'écouter des conférenciers, de suivre des séminaires avec des gens, d'aller à l'école, de regarder la télévision, ils ne pourront jamais apprendre par eux-mêmes. Parce qu'ils se démolissent quand ils parlent. Parce qu'ils n'ont pas un vocabulaire suffisamment grand. Qu'ils n'utilisent pas un vocabulaire. Oui, ils ont le vocabulaire suffisamment grand pour comprendre et ils n'ont pas la capacité de l'utiliser pour s'instruire. Quand je parle s'instruire, c'est s'auto-instruire. Alors l'individu, donc, qui se sert de patois, il est en partant en train de se démolir complètement, il ne peut pas arriver à grimper. Tu n'as aucune subtilité au niveau de ton phénomène de pensée, donc tu n'es pas capable de prendre des subtilités énergétiques, de les coder en langage, de les transmettre par la parole, de façon à informer ton ego. Tu n'es pas capable de prendre de la subtilité. Alors, si nous parlons de l'univers, nous parlons de la planète Terre, nous parlons du Soleil, nous parlons de la vitesse de la lumière, nous parlons des parsecs, qui sont un système, disons, de codification de distance interstellaire. Nous parlons des années-lumière. Nous allons parler d'un paquet de choses. Et puis là, il y a des gens qui ne comprennent plus, qui ne suivent plus. Mais c'est bien normal. Ces mots, s'ils les lisent, ils vont peut-être comprendre, et puis encore. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits. C'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre une parole qui se sert de subtilité dans le langage. C'est exactement comme conter une farce idiote, puis une farce subtile. Mais la farce subtile, elle nous nourrit. Énergétiquement, elle nous nourrit. La farce bien bête, elle est facile. Il n'y a vraiment pas de complications. Bon, les farces de Newfie sont des farces non subtiles. Les farces subtiles sont des farces qu'il faut que l'individu soit attentif, vif, pour arriver à cheminer dans ton langage, pour arriver à rire. Ça nourrit, ça développe. Les farces idiotes, comme on avait à l'époque les farces de sexe. Là, il suffit juste que tu mettais fesses là-dedans et tout le monde riait. Là, c'était comique. Bon, ça, c'est une farce très, très conne. Il n'y a pas de subtilité. La farce subtile, c'est quand tu comptes une farce puis personne ne rit. Farce subtile. Quand c'est 5 minutes ou 10 minutes après que ça se met à rire, c'est bon. Encore meilleur. Donc, il y a ce langage. Mais l'autre, qu'est-ce que ça détruit quand... Quand tu dis « on s'auto-détruit », on détruit quoi? On détruit l'ego, l'âme? Ben, c'est exactement comme si tu allais à l'école pour apprendre les mathématiques. Et lorsqu'on te dit « tu as appris les additions », 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. Tu as appris aussi la soustraction, 2 moins 2 égale 1. Mais maintenant, on te dit « maintenant, on va apprendre plus grand. On va apprendre 300 fois 2 plus 2. » Et on y va. 2 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Le langage faux, il fait ça. Langage juste, simplement, 300 fois 2. C'est ça. Celui qui veut communiquer la même chose avec un langage faux, j'ai vu 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, 300 fois comme ça, chevreuil, bon, c'est une photo. Alors que l'autre, il va dire, j'ai vu 2 fois 300. Mais c'est évident que celui qui est habitué à marcher avec le 2 plus 2 plus 2 plus 2, moi, quand j'arrive en conférence ou quand il rencontre d'autres personnes qui disent « J'ai vu 2 fois 300 têtes de bétail », la personne a dit « Oui, mais pourquoi il prend des mots si compliqués? » Mais non, c'est très simple. Mais la personne qui veut communiquer, comment veux-tu qu'elle arrive à avoir une expansion de conscience avec une parole fausse, réglée dans des petits mots qui devraient servir à toutes les sauces? Elle ne peut pas, parce que le moindrement que sa conscience doit prendre de l'expansion, il lui manque tout ce qu'il faut pour qu'elle prenne de l'expansion. C'était vert. Vert comment? Ben vert, là, tu sais, vert, là. Vert, vert, vert comme une plante verte, là. C'est une plante verte, vert. Hey, j'ai vu une pomme rouge. Ben, elle était rouge comment? Ben, rouge, là, rouge, là, rouge. Une pomme, c'est rouge, rouge. Ça, c'est une personne qui a une parole fausse. Ça ressemble à ça, son évolution de conscience. Alors, nécessairement, elle ne peut pas se répondre à ces questions parce qu'elle n'a pas la réponse claire et, deuxièmement, parce qu'elle ne pose pas la question convenablement. Ça détruit la conscience, ça empêche la conscience d'avoir une croissance volumétrique plus convenable. L'individu est obligé de se laisser soumettre à ceux qui ont une parole un peu moins fausse, puis qui on donne l'illusion de cheminer plus rapidement. Celui qui a une parole fausse comme ça, qui est-ce ou qu'est-ce qui a cette parole fausse-là? C'est pas l'intelligence? Bon, non. L'homme est constitué de plusieurs morceaux. L'un des morceaux est un morceau expérientiel, c'est-à-dire qu'il expérimente pour connaître et il mémorise ce qu'il expérimente. C'est l'âme, dans laquelle va s'agglomérer des stimulations similaires et ça va finir par former un ego, une identification suprême de l'expérience. Et c'est pourquoi on appelle cette expérience de l'homme apprendre par essai et erreur. On envoie des navettes spatiales, une qui saute. Ben voilà, essai et erreur. Le maintenant, à la prochaine, ça saute, ce ne sera pas pour la même raison. Bon. On a passé quelques millions d'années d'évolution à se casser la gueule et maintenant, on appelle cela la civilisation, on appelle cela l'expérience. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la majorité des éducateurs ne veulent pas que leurs enfants fassent trop d'expériences, parce que c'est toujours par essai et erreur. Essai et erreur veut dire qu'on a une structure qui mémorise. Cette structure qui mémorise, par essai et erreur, elle a été constituée. Alors, elle connaît l'insécurité. Elle connaît la peur. Elle connaît la défaite. Elle connaît l'échec. Et elle connaît surtout la saveur émotive, émotionnelle de ces expériences. Et c'est ce phénomène-là qui s'exprime par la parole de l'homme, par la bouche de l'homme, de la femme et de l'enfant, et qui est toujours en train de détruire. Dans quel but l'âme essaie-t-elle de détruire l'homme? Voilà. L'être humain qui a une parole juste grandit. L'âme, c'est de la mémoire. De la mémoire, ça souffle lorsque tu veux la changer. Tu viens de perdre ton chien, tu dois t'adapter. Alors, tu souffriras en attendant le temps que la mémoire va finir par s'adapter. Tu perds un ami cher, eh bien, tu devras, le temps va finir par arranger les choses. C'est faux, c'est l'oubli qui arrange les choses. Lentement, la mémoire émotive s'effrite, il va rester la mémoire événementielle, la mémoire de l'événement de ton chien, mais tu n'auras pas la mémoire émotive pour souffrir. Ce phénomène mémoriel refuse ce qui est neuf. Et dans la parole juste, il y a la question juste qui amène des réponses. L'être humain peut se répondre. Et il est donc, il a la faculté de croître. Il devient un peu plus son seul maître. Et l'âme, ainsi que l'ego, pas intéressé du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois qu'un être humain parle, elle vient s'immiscer à travers ce qu'il dit. Et comme c'est ça qui est instruit par l'oreille, l'ego, eh bien, constamment, l'humain, il dit, bah, « c'est mon humble avis. » Bon, c'est pas l'avis de tout le monde, là. Mais, tu sais quoi, je vais le dire, là, puis... Bon, c'est ça. C'est l'article de nom de coucher. Et il commence comme ça. Le politicien qui dit... « Je pense que l'eau est pas mal polluée. » Non. « L'eau est pas mal polluée. » Pas besoin de penser. Goody. Mais lui, il pense. Alors, parole fausse, il atténue tout ce qu'il vient pour dire. « Es-tu fatigué? » »« Je pense que oui. » »« Est-ce que tu es fatigué? » »« Est-ce que tu le sais ou non? » »« Ah ouais, je pense bien que je suis fatigué. » C'est ça. Continue à t'instruire que tu ne sais pas. C'est ce que tu fais, là. En disant, ben, je pense que oui, tu t'instruis que tu ne le sais pas. Tu n'émets pas d'opinion. Tu... Non. Alors, t'instruisant continuellement que tu ne le sais pas, même quand c'est sur toi, comment veux-tu un jour arriver et dire, j'ai confiance en moi? Je pense que j'ai confiance en moi. C'est ce que tu vas dire. C'est mon humble avis. Ouais. Alors, l'humain se démolit. Ben, c'est évident que la parole, elle détruit. Comment te sens-tu? Pas pire! T'sais, not bad, en anglais. Mm-hmm. Pas mauvais. Tu te sens pas bien, tu te sens pas mauvais. Mm. Laissons faire le bien. Nous vivons dans un monde de catastrophe et aujourd'hui, c'est pas pire qu'hier. C'est pas mieux. Dans la parole. Alors, les exemples, on peut en donner, mais il y en a en masse. L'être humain qui passe son temps à dire non. Mais non, c'est, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Non, mais as-tu vu ce qu'il a fait? Non, je l'ai pas vu. Non, mais c'est-tu beau? Pourquoi non avant un positivisme? Après ça, l'humain, il a besoin de se motiver. L'humain, il est pas sûr de lui. L'humain a besoin d'un maître. L'humain a besoin d'un dieu. Il a besoin d'être sauvé. Il y a quoi? Je te lance une corde, vas-tu apprendre? Ah, je sais pas, là! C'est évident qu'on a besoin de bien des affaires. Et tu sais, un grappin après, un aimant, quelque chose, un hameçon. Ce serait mieux si tu mettrais un morceau de fromage, j'irais le mordre, là, tu pourrais me monter. Tu sais, ça, c'est l'humain, ça. D'après moi. Ouais. Mais... même chose. D'après moi, c'est une vraie connerie. Quand l'humain parle, une des grandes faiblesses du public québécois qui m'ont entendu, c'est qu'il y en a énormément qui sortent frustrés du fait qu'ils ont l'impression que je me prends pour quelqu'un d'autre. Mais je me prends pour personne d'autre. Je suis moi. Mais parce que je ne passe pas mon temps à m'excuser de parler comme on a été éduqué à le faire, plutôt élevé à le faire, bien nécessairement, ça frustre. L'individu va dire, justement, « d'après moi ». D'après moi, ça veut dire « pas d'après vous autres ». Alors, ça fait en sorte que l'individu qui est toujours collectif, volontairement, devant tout le monde, se dégage du collectivisme qui, pour la société, est plus puissant. Alors, finalement, l'imbécile, donc d'après lui, l'eau est polluée. Mais s'il dit aux gens, réveillez-vous, c'est pollué! Ah, ça, l'humain est frustré noir! Il faudrait qu'il dise, réveillons-nous, c'est pollué! Mais s'il dit, il est déjà réveillé, il n'y a pas besoin de dire, réveillons-nous! C'est « réveillez-vous! » Bon, mais ça ne passe pas. La parole est trop juste. Si l'individu arrive avec la puissance à le dire comme ça, c'est évident qu'il va gagner ses élections. Si le peuple est suffisamment intelligent, mais présentement, le peuple est de plus en plus intelligent et capable de comprendre l'idée. D'après moi, est-ce nécessaire, normalement, de dire « d'après moi? » Quand un être humain parle, c'est lui qui parle, c'est pas nous autres. Alors, il n'a pas besoin de dire « d'après moi ». On le sait que c'est d'après lui. C'est lui qui parle. C'est si c'était pas d'après lui qu'il faudrait qu'il dise oui. « selon Jean-Paul ». Là, il dirait « selon nous autres » ou « selon eux autres » ou « selon lui ». Mais pas « d'après moi », c'est évident. Sauf que l'être humain, avec sa parole fausse, se collectivise tellement que chaque fois qu'il y en a un qui parle, ils ont toute l'impression que c'est eux autres qui parlent. Et c'est pourquoi on oblige, politesse aidant, un individu à s'exclure du groupe s'il a parlé. Parce que les gens vont dire, pour qui il se prend? Ben, il se prend pour personne, il vient de dire une chose. Ouais, oh, mais tu vois comment il dit ça, il arrive en avant, puis on dirait qu'il se prend pour un dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas excusé d'avoir une opinion. Parce qu'il est pas tapette, comme la majorité de ceux qui vont parler. C'est pour ça qu'il se prend pour un autre. Il se prend pas pour un autre. Il est lui. D'après moi, ça détruit. Pour la simple raison que l'humain n'a pas besoin de s'excuser d'avoir une opinion. Donc, chaque fois qu'il dit d'après moi, il se médiocrise. C'est simple. Là, il va dire, oui, mais il faut s'ajuster au public. Non, on va apprendre à te connaître. Puis on va finir par aller t'écouter pour ce que tu dis, puis on va savoir que c'est ce que tu dis. Et en tant que dirigeant, tu auras plus de puissance. Tout à l'heure, je l'ai dit, la parole juste peut manipuler. Mais manipuler en imbécile ou manipuler avec la puissance, de toute façon, tant qu'à manipuler, manipulons convenablement. C'est évident. Si c'est pollué, il faut dépolluer, manipulons. Présentement, on manipule pour polluer, on manipule pour faire la guerre, on manipule en même temps pour la paix, on manipule pour d'autres choses. Fait que ça ne changera rien, l'être humain est dans un écosystème de relations et chaque individu impose son espace-temps à l'extérieur. Donc, on s'auto-manipule. Il n'y a donc pas de danger à avoir la parole juste. Il n'y a aucun danger à avoir la parole juste. Maintenant, c'est évident que si un jour tu vas te chercher un emploi, tu rentres dans un bureau d'un patron, d'un petit patron, et même s'il est milliardaire, d'un petit patron, du point de vue de la conscience évolutive de l'humain, Et en entrant là, eh bien, tu lui serres la main un petit peu plus énergique que lui. Il va avoir peur que tu prennes sa place plus tard. Et tu commences à lui jaser avec une parole juste, il t'engagera jamais. Tu le démolis, tu le terrasses complètement. Quand tu sors, il est encore en train de shaker. Il se demande qu'est-ce qui se passe. D'après vous, pensez-vous que la vente d'automobiles va augmenter? Je pense pas, je suis sûr. On a le droit d'être sûr. Ouais, mais si tu te trompes, on a le droit de se tromper. Pourquoi s'excuser carrément tout le temps avant? Même quand on a raison, on s'est tellement excusé de penser ça que finalement, c'est un coup du hasard, on n'a pas raison. Ça n'a plus d'impact. Non. On s'instruit par nos oreilles. Alors, tout ce que nous disons doit être convenablement dit. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On continue à se médiocriser. Donc, en réalité, je suis ton raisonnement, je veux dire, je m'excuse. Je pense que ce qu'on pense, on ne devrait jamais le dire, d'abord. Il faudrait le dire puis l'écouter ensuite, mais pas le dire après qu'on l'a pensé. Disons que quand je travaille avec certaines personnes au niveau d'un séminaire, les gens apprennent justement à ne jamais dire ce qu'ils pensent. Parce que la pensée, c'est... Le séminaire, j'en ai fait un. L'ajustement de la parole. Entre autres. L'individu qui parle et qui s'écoute parler, il s'auto-corrige. Alors, il va être capable de s'enligner, il va sentir sa parole exactement comme si c'était un chemin, il va être capable de contourner, de s'en aller, comme s'il était dans un aéroplane, dans un avion, puis il vole. Alors, il sent une turbulence, il se tasse, il contrôle tout. Celui qui pense et qui dit ce qu'il a pensé, la pensée, c'est toute faite d'un morceau. Et là, elle sort, mais on n'a pas le temps d'ajuster par rapport au résultat sur l'extérieur, parce qu'on sort, on vide notre papoche, notre petite cornemuse, on vide tout ce qu'on vient de trouver. Et lorsqu'on a vidé ça, eh bien, on observe, et puis là, immédiatement, on essaie d'ajuster avec un autre bloc, puis on essaie d'ajuster avec un autre bloc, avec un autre bloc, mais pas mot sur mot. Celui qui a une parole juste, c'est mot sur mot. Il va jaser avec toi, puis au fur et à mesure de tes réactions, mot sur mot, et nécessairement, il faut que tu vendes à des personnes faibles. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une loi de la protection du consommateur. Les gens sont tellement faibles devant les vendeurs qu'il faut qu'on leur dise que « Achète, achète, achète, mets-les dehors, tu as du jour pour leur tourner. » Parce que tu n'es pas capable de résister, fait qu'achète-les. Puis quand ils ne seront plus là, tu vas être capable d'arriver à te réveiller. Puis là, tu leur tournes. Ça veut dire, ce qu'on pense, lorsqu'on pense à quelque chose avant de répondre, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette pensée-là? Faut l'éliminer? Faut s'en servir? On recommence. Si, on pourra revenir plus tard au niveau de la conférence avec cet outil-là. C'est un petit peu plus complexe. Lorsque l'individu, tu me parles, je t'écoute. Et au fur et à mesure que tu me parles, je commence à te répondre dans ma tête. Quand tu as fini de parler, je veux maintenant t'envoyer ça. Je ne devrais jamais faire ça. Il faudrait prendre juste la première bride, le premier mot? Ou... Non, mais je ne dois simplement ne rien faire. Tu me parles, je t'écoute, je te vibre, et que lorsque tu as fini, eh bien, je n'ai qu'à te répondre. Puis l'individu n'a pas besoin de penser pour le faire, il va arriver à fonctionner convenablement. Comme dans une engueulade. Dans une engueulade, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Non. Mais comme on est carrément connecté sur notre astral, puis sur le monde de la mort, bien, ce qu'on dit, il est très, très, très mortel, oui, mortuaire. Bon, c'est vraiment pas joli. Et si on pensait pas en écoutant l'autre, on l'écouterait justement, au lieu de juste l'entendre. Exact. C'est pour ça. Bien souvent, celui qui parle par sa pensée, que sa parole fausse, écoute ce qu'il va dire. Il a de la misère de voir écouter l'autre. Or, on a des mots. Tout à l'heure, tu as dit « je veux dire ». C'est pas une parole fausse, ça. Si tu veux le dire, dis-le. Simple. Mais l'humain est toujours en train de placoter. Là, j'ai vu une grosse maison, là, je veux dire. Il y avait un gros feu de bain, là. Et puis, là, les pompiers sont arrivés, là, je veux dire, sont rentrés par la porte, je veux dire, et puis, c'est ça. L'individu s'instruit qu'il n'est pas capable de dire ce qu'il veut dire. Tout le temps, tout au long de sa vie. Certains vont dire, oui, mais c'est des manières de parler. Eh oui. C'est comme celui qui mange avec son ustensile, puis qui avale la cuillère, toute fois qu'il prend une bouchée. C'est une manière de manger. Oui, il va en mourir. Ouais. C'est une manière de manger. Ça, c'est une manière de parler. C'est aussi une manière de penser. C'est pourri. Ce sont des habitudes. On les a eues par l'instruction, puis on les a eues aussi en écoutant autrui. Mais c'est une parole hyper fausse. Je veux dire. Si tu veux le dire, dis-le. Alors tu cesses de dire que tu veux le dire, et tu le dis. Une autre connerie absolument fantastique et formidable, c'est le mot « c'est ». Ça veut dire? Ça vient de la tripe d'un petit virus qui s'appelle trypanosome lipius, qui donne la trypanosomiase. Et sa vue sur la mouche, tsé, qui donne la maladie du sommeil. L'individu qui sont tsé, il dort. Sa conscience n'est pas forte. Tsé veut dire, qu'est-ce que ça détruit puis comment ça détruit? Je suis un être humain. Je suis moi-même, à part entière. Je suis aussi parfait que je peux l'être. Et ma perfection ne dépend pas des critères d'autrui. Sinon, je ne serais jamais parfait. Celui qui a un gros nez veut que je n'aille un, donc je ne suis pas parfait. Mais je suis aussi parfait que je peux l'être. Je ne peux pas faire plus. Personne non plus. Donc tout le monde est parfait. Et lorsque l'être humain commence à parler, il se collectivise. Il est une gang. On est tous pareils. On est normal. Pas naturel, normal. Alors, quand on vient parler devant le public, on s'excuse. Premièrement, excusez-moi de prendre votre temps. Ou encore, merci de m'avoir écouté. Ils sont tous là pour t'écouter. C'est n'importe qui. Merci de m'avoir écouté. Et là, il commence à jaser et il commence avec son tic. Alors, il y avait deux policiers, tu sais, qui sont arrivés là, tu sais. Ça veut dire quoi, tu sais? Ça veut dire que vous le savez déjà. Ça veut dire que théoriquement, je suis en train de m'instruire que ce que je vous dis, vous le savez. Tu sais? Ça donne pas grand-chose de le dire. Non. Alors, pourquoi je le dis? Sais-tu, moi? Si tout le monde le sait. Pourquoi je le dis? Parce que les gens ne le savent pas. Mais je veux tellement être collectif, je veux tellement être avec vous autres, tellement vous aimer, tellement être collé, tellement être têteux, que tout ce que je dis, ben tu sais. Bon. Alors, je compte mon voyage, je compte ma chicane, je compte ma vie, je compte une histoire. Tu sais, veux dire. Je parle tellement mal, je suis tellement niaisé, tellement minus. Tu veux dire? Brillant comme que t'es, même je le dis croche, tu veux dire? Ouais, mais ça, c'est ton humble avis, ça. Ouais, c'est ça. C'est mon avis de trou de... Bang. Comment on fait pour se débarrasser de ça, ces mots-là? On commence par comprendre de l'absurdité de les dire. Faut en rire, puis s'en débarrasser. Enfin, ça va de soi que juste le fait d'en rire, et chaque fois qu'on les dit, si on les observe, on se détruit plus, puis à la longue, ils s'en vont. Mais premièrement, il faut comprendre l'intelligence de s'en débarrasser, donc la stupidité de les prononcer. Qu'est-ce que ça donne de s'en débarrasser? Qu'est-ce que ça enlève? Un individu qui se débarrasse de ses mots faux, qui arrive à détruire sa parole destructrice, il devient un être humain avec une parole juste. Un être humain qui a une parole juste dans les quelques années qui suivent son début de travail a accès à un savoir instantané. Farfelu, c'est ça. Il a accès à répondre à ses questions, il a accès à poser les questions qu'il a besoin de poser, il s'ouvre un monde nouveau parce qu'il aura accès à la tête de tout ce qui est social. Il passera par-dessus les psychologies faibles, il n'a pas le choix. Il apprendra à s'instruire de par lui-même parce qu'il posera des questions convenablement. Lorsqu'il voudra savoir quelque chose, il posera une question à quelqu'un, il la posera tellement convenablement qu'il décodera la réponse dedans. Et il la posera tellement convenablement que même celui qui ne sait pas la réponse, mais qui est dans le domaine, il va lui dire, puis il va apprendre dans lui disant. L'individu va dire, bon, toi, tu travaillais à la bourse, je jase avec toi, et puis à un moment donné, tu peux me dire après la journée, c'est drôle, mais en jasant avec toi, tu connais rien, mais j'en ai appris plus qu'en jasant avec mes collègues. Oui, mes questions étaient justes, j'ai été chercher des choses que tu devrais te servir, mais que tu n'es pas prêt à te servir parce que tu n'avais pas la parole juste pour aller les chercher. Donc, tu t'es instruit en me répondant. Mais de quelle façon, moi, je peux m'instruire en ayant des questions justes? C'est absolument effarant. Alors, l'individu qui, donc, arrive à détruire sa parole destructrice, premièrement, il n'a plus jamais besoin d'être motivé. Parce qu'il ne passe pas son temps à dire qu'il est minable. Tu veux dire? Il ne passe pas son temps à se démotiver en s'instruisant qu'il n'est pas capable. Oh, je vais essayer. Peut-être à l'heure, oh, je pense bien. Je ne m'assure de rien. Ensuite, tu lui demandes, es-tu sûr? Ça doit. Ben, comme tout le monde. C'est ça, ou ça doit. Ou si con. L'humain n'est pas con, sa parole, l'humain manipulé. La parole qui traverse l'homme est une parole forte. Alors, à quoi ça sert? Ça sert exactement comme si on vous disait, vous n'avez aucune parole, vous communiquez pas, vous n'apprenez pas. Vous regardez des images, des hiéroglyphes, vous des photos dans des livres, et puis du jour au lendemain, on vous montre à parler, on vous montre à lire. Ben c'est à peu près la même différence. Là, l'humain sait lire, il comprend pas tout, parce que les mots ont des saveurs assez cristallisées, pas de subtilité et de nuances. Et l'humain ne sait pas parler. Nécessairement, il ne peut pas s'instruire convenablement parce qu'il s'instruit lui. Si tu me dis que tu as peur, tu as peur, je m'instruis que tu as peur. Mais si je me dis régulièrement que j'ai peur, ben finalement, hein, je ne suis pas un con, à force de me le dire, combien j'ai raison. Tu finis par te croire. Ben, je finis par me croire puis j'ai peur. Si on a voulu inventer à un moment donné le positivisme, qui était quoi? Qui était la parole fausse rétrograde. C'est ça le positivisme. Dans quel sens? Ça va de mieux en mieux! Au lieu d'aller de mieux en pire. Si ça va de mieux en mieux, ça veut dire que ça allait mal ou que ça va mal. Puis que ça s'améliore. Ta parole reste fausse. Mais c'est mieux. Celui qui a la parole juste, celui, ceux qui ont le positivisme ont régulièrement besoin de se motiver. Parce qu'ils ont toujours une parole fausse. C'est bien beau de dire, ça va de mieux en mieux. Je pense que je vais m'en sortir. Et non pas, ça va de mieux en mieux. Je m'en sors. Ou je vais m'en sortir. Je pense que je vais m'en sortir. Ça va de mieux en mieux! Quelle température qu'il fait dehors? Je pense qu'il fait froid. Oui, monsieur, t'arrives de dehors, puis je pense qu'il fait froid. Tu dis pas qu'il fait froid. Mais t'as une parole juste, c'est pas une parole intellectuelle. Comment il fait dehors? Ah, ça dépend des goûts, ça dépend des corps physiques, ça dépend de comment tu es vêtu. C'est pas ça une parole, c'est une parole intellectuelle, ça. Bon, c'est pas ça. Alors, celui qui passe de la parole fausse à la parole juste, c'est comme celui qui passe de l'analphabétisme. Mais de dire qu'il fait froid ou qu'il fait pas froid, c'est vrai que ça peut dépendre des... Oui, mais tu me poses la question, je te réponds donc à partir de moi. Si tu pensais que je répondais à partir de toi, c'était encore trop faible, c'est tout, démerde-toi avec ça. Moi, je te dis qu'il fait froid. Tu sors dehors, tu rentres, tu pèses 450 litres, tu me dis, « Hey, écoute bien, Fabien, il fait chaud, pourquoi tu m'as dit qu'il faisait froid? » Tu m'as-tu regardé? Ben moi, j'ai froid. Ça serait pas plus précis de dire qu'est-ce qu'il fait dehors, ben il fait entre 18 et 20. Comme ça, ben ça dépend du... Là, on peut, oui. Sauf que l'individu, ça dépend simplement de ce qu'il veut savoir. Par contre, si t'as pas ton degré de température, ben tu lui réponds en fonction de ce que t'es toi. L'important au niveau de la parole destructrice, c'est de cesser de s'excuser. Et le premier palier, éliminer les mots faux. Et le deuxième, celui que tu viens de nommer là, maintenant rendre juste les choses. Montréal, Québec, c'est-tu loin? C'est 260 000. Ou 160 000, c'est 280 km. C'est trop. Bon, c'est ça. C'est bien long à aller à ton chalet. À 140 km à l'heure, ça prend une demi-heure. C'est plus précis, là. Ça, ouais. C'est le deuxième niveau de parole juste. Qui fait que là, on ne peut plus t'interpréter. Mais ce qui est intéressant, surtout ce soir, c'est au minimum d'éliminer la parole destructrice. Ça tue. Ça tue l'homme. Ça l'empêche carrément d'évoluer. Ça l'empêche de vivre heureux, ça l'empêche de comprendre, ça l'empêche même de voir les choses, de goûter, de boire les ondes de forme, de goûter à la vie, de mordre dedans. Ça l'empêche totalement de se développer. Il se développe à couper dans le derrière, il se développe par la force des choses, par essai et erreur. Là, il se développe en se frappant sur la tête plus qu'à couper dans le derrière. Pavlov est absolument emballé de voir l'humain fonctionner. C'est lui qui a trouvé l'idée même de l'essai et erreur. Qu'est-ce qu'il faisait Pavlov? C'était un russe. Alors, il y avait des russes. Et puis, il avait connecté un tube dans la gorge des chiens. Et puis, lorsqu'il faisait sonner une cloche, bien, il nourrissait des chiens, puis les chiens, ils salivaient parce qu'ils mangeaient. Et puis après ça, bien, il sonnait encore la cloche, puis il nourrissait pas les chiens. Bien, les chiens avaient entendu la cloche, puis ils salivaient pareil, ils savaient que le steak sortait. Il n'y a pas de steak. Ils salivaient pareil. Ça, c'est l'apprentissage. Et il a fait un paquet d'essais par la suite, il s'est rendu compte que, comme les souris et d'autres animaux, en l'occurrence les humains, bien, quand tu te casses la gueule 3, 4, 5 fois à la même place, ça essaye ailleurs. Et à un moment donné, ben, quand tu finis par trouver où ça passe, ben, tu vas là maintenant. Essai et erreur. Tout plein de bleu, tout martyrisé, tu vieillis lentement, tu es tout croche, tu n'as plus confiance en toi, mais maintenant tu as l'expérience. La journée qu'on change la porte, tout est à recommencer. Plus l'individu vieillit, plus c'est pénible pour lui de devoir recommencer à expérimenter. Parce qu'il a tellement d'instructions fausses chez lui, comme quoi il n'est pas capable, comme quoi il est un être inutile, comme quoi il a besoin de toute la société pour le supporter, comme quoi à 45 ans, je ne peux plus me trouver un emploi. Oui ou non, il n'y a personne qui en veut. C'est pas ton corps physique qu'il faut que tu ailles vendre. C'est pas tes rides ou ta moustache ou tes lunettes ou tes poches ou n'importe quoi qu'il faut que tu ailles vendre. Toi, rentre dans une boutique avec une parole puis vends-toi. Le gars, il va acheter l'énergie qui est dans le corps physique. Ah oh, oui, les jeunes poussent. Les jeunes poussent les vieux. C'est évident que les jeunes poussent les vieux. Les vieux, ils se laissent pousser. Je sais pas pourquoi qu'on poussera pas les vieux. On s'accote puis ils tombent. On est dans le bureau. L'âme, comment l'âme va réagir à ça quand tu essaies d'éliminer la parole fausse puis d'en reprendre une correction dans la parole, d'en reprendre la parole juste? Bon, la parole destructrice, c'est l'expression de l'âme. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec l'âme, parce que des fois, on vient pour la première fois à mes conférences, puis là, comme c'est sur la parole destructrice, on peut penser que on parle pas d'âme, etc. Mais le phénomène humain, c'est un phénomène qui est global. Bon, il y a le corps physique, il y a le corps vital qui l'anime, il y a le corps, c'est le corps astral, qui est la psychologie. Psychologie, c'est la relation, la communication, les relations qui existent entre la mémoire, les désirs et l'émotion. Et c'est ça, l'âme. Et dans l'âme, il y a l'ego, l'ego suprême. La psychologie, c'est la science qui étudie l'âme. Hein? Psycho, ça veut dire âme. Et il y a le mental chez l'homme. Le mental, c'est quelque chose qui a la faculté de logiférer, de devenir intelligent. Donc, d'intelligencer les choses. Le mental, c'est quelque chose de logique qui devient conséquentiel. Le mental va trouver logique de ne pas polluer. Mais l'ego, l'âme, va trouver émotivement dramatique de ne pas polluer. C'est essayer de fumer, c'est essayer de jeter nos papiers par la fenêtre, ça crée de l'emploi. Ouais. Tu crées de l'emploi, tu obliges un animal humain. Un humain ou un être humain à passer sa vie avec un petit bâton puis un petit bout de piquant au bout puis ramasser tes maudits papiers. Ça bâtit tes sociétés géniales, ça. Mais sinon, tu es obligé de nettoyer là-dedans de l'auto, c'est pas mieux. Oui, c'est mieux. Ce que tu fais toi, personne d'autre va le faire. Ouais. Tu conscientises, tu apprends à te contrôler, tu contrôles ton ego qui veut tout jeter par la fenêtre. Tu deviens le maître de ton ego. Et c'est le mental qui prend le dessus. Pour empêcher l'humain d'évoluer, il y a un paquet de mécanicité au niveau de l'involution. Il y a tout ce qui sert à tempérer la conscience de l'homme, que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit les religions, que ce soit certaines traditions folkloriques, le chant comme le rock, etc. Tout phénomène collectif, que ce soit tu vas dans un endroit qu'on appelle une discothèque, je pense. Et puis là, c'est plein d'animaux là-dedans. Ça se promène, ça swing bien bas, puis l'autre, ça se pousse, ça se marche les pieds. Une grosse musique assez forte que les neurones ne s'entendent même plus réfléchir. Et puis, ça, c'est pour distraire. Ça, t'es pas encore au niveau de comprendre l'idée de la parole juste à ce niveau-là. Là. Alors, il y a un paquet de mécanicité au niveau de l'évolution, mais quand l'individu commence à être un peu plus raffiné, à se poser des questions, à lire, à rechercher, ou simplement à s'écœurer des choses, puis quand il arrive à être écœuré d'être écœuré des choses, eh bien, il a besoin d'une parole. Sa parole est son salut. Il y a eu une vieille tradition qui disait: le silence est d'or, la parole est d'argent. La parole est d'or, le silence est d'argent. On doit parler, pas se taire. Or, on ne doit pas parler tout le temps. Mais quand on a à parler, on doit parler. Et comme dans le séminaire que je donne, eh bien, quand les gens, je leur pose une question, est-ce que tu as compris, la personne, elle me fait bonne réponse. Je veux qu'elle s'instruise. Oui ou non, parle. Chaque fois que vous faites une opinion avec la tête ou avec un vous ne vous instruisez pas que vous le savez. L'ego ne le sait pas. L'ego, il sait qu'il est d'accord avec la gang. Mais il ne s'est pas instruit que toi, quelque part en dedans, tu étais d'accord. Donc, la seule façon, c'est de le verbaliser, c'est de l'exprimer. Ça fait partie de la parole destructrice, le fait de Que penses-tu de cela? Pas mal comme ils ont dit, là. Tu t'instruis que t'es collectif, tu t'instruis que t'as pas d'opinion, tu t'instruis que t'es médiocre. C'est pas du positivisme. Je suis d'accord avec tout le monde, on doit jeter cette bâtisse-là à terre, parce que, puis on est en maison. Le gars qui va dire crème, mais il a répété ce que l'autre a dit. C'est lui qui fait tout répéter avec. Si t'as un problème que tu veux, auquel tu veux réfléchir, trouver une solution. Parle-le. T'es tout seul, tu parles tout seul. Si ouais. T'es avec un autre, tu parles avec un autre. C'est pour ça aussi que dans l'Antiquité, on disait, celui qui parle tout seul, ben, il est fou. Ah oui. Tout a été fait pour que l'humain se développe pas. Dans les classes, à l'école, t'as pas d'autres paroles. Dans les églises, t'as pas d'autres paroles. On va dire, c'est pour tenir l'ordre. Oui, c'est vrai. Et l'ordre est empêcher l'humain d'évoluer. On maintient l'ordre. qui a été donné dans l'Antiquité, qui a été donné il y a quelques milliers, sinon quelques millions d'années. Alors, il y a cette âme qui veut s'exprimer, et il y a de l'autre côté dans l'humain qui est en phase d'ascension, donc en phase d'évolution de conscience, qui prend conscience qu'il y a autre chose que de la chair, qui prend conscience de temps en temps chez lui que, hé, hey, merde, tu vas, par exemple, voir la projection en direct. En direct, je ne sais plus trop où, présentée sur un écran IMAX, au vieux port. Et là, tu peux voir la planète Terre vue par des navettes spatiales en direct de l'espace, voilà. Bien, l'humain qui s'en va voir cette affaire-là, puis qui voit la boule qui est là toute bleue avec une navette à l'envers, puis du monde se promène dessus, puis que son cœur commence à accélérer, si en plus il n'y a pas des larmes qui coulent, là, mais qui sécrètent en voyant ça, bien, c'est un être humain qui a une conscience qui est proche d'être planétaire. Bien, cet humain-là a besoin d'une parole. Alors, il y a le mental qui te fait prendre conscience que t'as rien, on n'est pas juste... On est sur une boule qui tient tout seul quelque part, et là, on la voit, et puis on commence à mettre les pieds dans l'espace. Et puis, on peut commencer à avoir une conscience plus solaire, plus stellaire de notre point de vue. Finalement, galactique, sinon universel, et supra-universel et créationnel. Mais l'humain qui commence à faire cela, il est en contact avec de l'intelligence. L'intelligence ne provient pas de l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne provient pas de la chair. Elle ne provient pas non plus de l'expérience de la chair, l'âme, l'émotion, le désir émotif, puis finalement, tout phénomène de mémoire. Alors, l'être humain qui commence à avoir cette chose-là, eh bien, il commence à avoir de l'intelligence chez lui. L'intelligence commence à l'instruire. Première instruction, tu vois avec de nouveaux yeux. La télévision noir et blanc passe en couleur. Voyant avec de nouveaux yeux, tu te poses de nouvelles questions. Parce que le verre que tu as toujours pris, à un moment donné, il y a une autre vibration. Tu prenais ta bière. À un moment donné, tu tiens pour la prendre, tu te rends compte que tu prends de la bière. C'est ça, la vision nouvelle. Ça, c'est amené par un observateur chez toi. Point qu'un criant, un observateur. Tu bois, puis subitement, tu te rends compte que tu prends de la bière. Ou tu te rends compte que tu es en train de chialer, que tu es colérique, que tu es peureux. Tu te rends compte. Tu te conscientises. Tu t'observes. Par hasard, comme ça, tu te conscientises. Alors, l'individu qui en est rendu à ce point-là, maintenant, il a besoin de parler. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que maintenant, notre individu qui est rendu à un point de conscientisation particulier, eh bien, il y aura sa faculté mentale, sa faculté logique, qui amène l'intelligence dans l'homme, qui va vouloir s'exprimer par son centre laryngé. Le centre laryngé, c'est un phénomène vital qui permet la coordination de la structure même de l'énergie, soit la pensée, soit l'intelligence, un ajustement par rapport au système, au diaphragme, au système pulmonaire, à la langue, aux cordes vocales, aux joues, de façon à créer un mot qui supporte la pensée ou l'intelligence. Alors, lentement, le phénomène mental, l'énergie de l'intelligence, l'énergie supramentale, ça descend pour s'exprimer, et en même temps, il y a l'ego. L'ego qui expérimente quelque chose. L'intelligence descend, elle laisse une trace dans le corps, l'ego, l'âme expérimentant la trace, parle en même temps. Alors, nous avons un haut-parleur, tu as un micro, j'ai un micro. Je suis l'astral, tu es l'intelligence. Nous parlons tous les deux, il y a un mélangeur de sons. Alors, on parle tous les deux, puis on sort par un haut-parleur. C'est ça, la parole fausse. Personne ne comprend. Mais l'ego qui est en dessous, lui, il s'instruit par rapport à ce qui est dit. Parce que l'ego ne se connaît que par rapport à son expression. Et il a l'impression que c'est lui qui parle. Alors, moi, je viens pour dire, on me pose une question qui est, qu'est-ce qui est arrivé à l'autoroute là-bas, là, tout est bloqué. Le mental répond, il y a un accident. Et l'autre, le cave à côté, ou l'inverse, il répond, bien, je pense que, ou encore, bien, je le fais pas. Même s'il a tout vu. Il dit, bon, ouais, moi aussi, mais c'est bon. Et qu'est-ce qu'on entend? Bien, je le sais pas, il y a un accident. Fréquent, ça. Je le sais pas, il est arrivé ceci, cela, cela, cela. Pour quelqu'un qui le sait pas, parle pas mal. Parce que la parole fausse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je ne sais pas trop, là! C'était un maudit niaiseux qui est arrivé, là, puis qui m'a pilé sur le pied, puis après ça, je suis tombé en bas du métro, puis... C'est ça. Je ne le sais pas, puis je te compte tout. Fréquent, si on écoute les individus jaser, et qui en disent des choses qu'ils ne savent pas. Eh bien, il y a l'astral, l'âme, qui se bat, puis il y a le mental qui donne une réponse logique. Les deux ensemble font la parole fausse. Le mental observe la chose, il vibre, il vient pour donner une correspondance. L'ego, lui, voyant le mental vibrer d'une saveur particulière, a peur. Et ils parlent tous les deux. Non, mais c'est bon. Comme j'expliquais, à un moment donné, j'étais au Pérou avec un de mes amis. On regardait les Andes. Et puis, il me dit, « C'est beau, hein? » Fait que moi, j'ai dit, « Ouais, formidable. » Il dit, « Mais-en. C'est ça, l'ego? C'est formidable et merveilleux. Mais-en. Ah, c'est bon, en tabarnak. Mais-en. C'est bon, formidable, en tabarnak. Mais-en. Ah, ben, c'est bon, merveilleux et pas soufflant, en tabarnak. Et il me regarde, « Qu'est-ce que t'as? » C'est ça. Ben, je dis, tu mets mes ans, en mettant. Mes ans. Parole fausse. Au lieu d'observer, mes ans. Hein? Au lieu de simplement contempler, parole fausse. Or, comment veux-tu qu'un humain sur cette planète Terre puisse arriver à se supporter lui-même s'il est continuellement en train de se détruire? Regardez une parole fausse, magistrale. Le conférencier, l'animateur de radio ou de télévision qui dit « Si tu aimes une chose, laisse-la libre. Si elle te revient, elle t'appartient. Si elle ne te revient pas, elle ne t'a jamais appartenu. » Là, quelqu'un va dire « Ah, ouais, tu as pris ça dans un livre, là. » Puis, ça change quoi ce qu'il vient de dire? Si c'est vrai ce qu'il vient de dire, c'est vrai ce qu'il vient de dire. Non! Notre conférencier ou notre animateur, l'orateur, même s'il a compris la parole, se doit, pour rester médiocre, de citer l'auteur. Une vérité, ça appartient à celui qui la sort en premier, même si ce n'est pas de sa faute. Puis si tu veux t'en servir, tu dois le citer, il y a un droit d'auteur là-dessus. Je ne sais pas si ça donne du karma pour le ciel ou quelque chose, là, il y a un droit d'auteur là-dessus apparemment. Alors qu'en réalité, si moi je dis quelque chose, puis que vous comprenez, bien vous ne sortez pas à soir en disant, « Ouais, mais Daniel Kem, là, il dit que... » Es-tu d'accord avec? Oui. Bien, laisse donc faire Daniel Kem, torieux. Dis-le donc toi-même. Ça me parle juste. Cessez de toujours prétendre qu'on ne sait rien. À partir du moment où tu as instruit ton ego, tu savais ça, tu peux prendre pour acquis, c'est à toi, tu peux le prendre pour acquis. Tu t'en vas te baigner, tu t'en vas sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis tu dis, « Tabarnouche, c'est pollué assez que... » Il n'y aura plus d'eau potable d'ici 5 ans. Puis là, tu écoutes la télévision. Puis on dit la même affaire. Fait que là, tu sors. Hey, c'est selon les études qu'ils ont faites, il n'y aura plus d'eau potable d'ici 5 ans. Tu le savais avant qu'ils le disent. Alors pourquoi maintenant, il faut que tu ailles le dire comme si tu ne le savais pas? Tu as besoin d'un endossement. Oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que, non, c'est ta façon de parler, c'est ta parole est fausse. Si je dis, es-tu d'accord avec? La personne m'a dit, ben oui. C'est pas cette fois que je le dis. Maintenant qu'il y a un endosseur en arrière, la politesse t'oblige à prendre l'endosseur et tu deviens médiocre. Tu ne parles pas. Il y a des conférenciers qui finalement ne savent rien les entendre parler. Selon un tel a dit, j'ai lu à telle place, faites ceci, selon un tel, selon les statistiques, c'est prouvé que... Ça, c'est sa conférence. Et le bonhomme, là, torieux, qui nous donne donc les petits papiers qu'il a lus. On va aller, il y a d'autres avec, on n'a pas besoin de lui pantoute. C'est la parole fausse. C'est pas de la politesse. C'est de la stupidité. C'est de l'impolitesse par rapport à soi, par rapport à l'autre avec. Moi, je dis quelque chose, quelqu'un le comprend, il s'en empare, qu'il prenne mes mots. C'est pas mes mots, torieux, c'est des mots de la langue française. Puis si le concept est bien dit, bien, il est bien dit, qu'il s'en sert, ça sert à ça. Il n'y a pas besoin de commencer à citer qui dit quoi. C'est ridicule, totalement ridicule. Tu dois parler en ton nom. Pas au nom d'un autre. Tu n'es pas sûr, tu dis, selon un tel, il arrive ceci. Moi, je ne suis pas convaincu de ça, pantoute. OK. Et selon un tel, il arrive ça. Pas mal d'accord avec. Là, non. Là, tu ne parles pas en ton nom, tu parles au nom d'un autre. Parole hyper fausse. Alors, on est sur une planète Terre, avec un Dieu qui nous a oubliés totalement. Je pense qu'on s'en rappelle plus de lui que lui de nous autres. Hein? Bon. Et puis, ou avec des dieux. C'est ce que tu penses? Non, c'est pas ce que je pense. Ouais, j'ai dit ça pour m'ajuster, ouais. Moi, je suis sûr. Ça ne nous a même pas oublié, il ne peut même pas se rappeler. Ça s'appelle des aliments, des végétaux. Alors, il y a donc cet être humain sur cette planète. Chaque fois qu'il pose une question, il n'a pas tellement de réponses. Les seules réponses que l'être humain va avoir, C'est en posant la question à quelqu'un qui peut parler ou en posant la question à un livre. Et la problématique, c'est que c'est toujours la même réponse qui revient depuis quelques milliers d'années. Même quand quelqu'un te répond, c'est bien souvent son opinion qu'il a pris là, que l'autre a pris là, puis ils ont changé tous les deux, puis ils ont entendu ça, puis l'un qui a lu ça, puis l'autre a écrit ça, puis finalement, on va loin. Comment que cet humain, sur le plan planétaire, peut arriver à un moment donné à se sentir sécure, à ne pas avoir l'impression qu'il a été abandonné, à ne pas continuer à penser qu'il a fait une chute hiarque? Torieux, j'étais pas là, moi, quand ils ont fait la chute à derrière. Donc, c'est pas de ma faute. Si eux autres étaient médiocres et qu'ils ont fait une connerie biblique, ça les regarde. Si le Dieu était suffisamment inajusté pour faire en sorte que toutes les générations qui vont succéder payent pour, ça les regarde. Mais qui ne me donne pas trop d'intelligence, parce qu'un jour, j'en connais un qui va se ramasser sa terre aussi. L'être humain est abandonné. L'être humain est absolument poigné. L'être humain ne sait pas comment s'en sortir. L'être humain, on a un taux de maladie mentale au Québec qui est relativement effarant. On peut dire, oh oui, mais c'est quelqu'un, quelques pourcents. Une personne sur 10 au courant de sa vie, une personne sur 7, je crois, au courant de sa vie, risque d'avoir à un moment donné une maladie mentale. Qu'est-ce que c'est une maladie mentale? Une dépression, une panique, une angoisse majeure. Les médicaments, de toute façon, qui sont antipsychotiques, on en vend. C'est une grande, grande partie de l'industrie planétaire. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas une parole juste. Il y a une parole qui le détruit. L'être humain ne peut donc pas faire autrement que de passer sa vie soit à boire, à se droguer, à s'épuiser, ou bien à chercher des prêtres, des livres sacrés, des gourous, des maîtres. Il doit trouver quelque chose pour le sécuriser, parce que chaque fois qu'il ouvre la trappe, il s'insécurise. C'est démoli. Alors, au minimum, ce que vous savez, sachez-le. C'est important. Cessez de toujours dire qu'on ne le sait pas. Sachez-le. Ce que vous dites, dites-le en votre nom, pas au nom d'une collectivité. C'est pas nous autres, notre groupe, on pense que... Je pense ceci, puis tous les individus de mon groupe sont d'accord. Bien différent. C'est des individus qui sont d'accord, pas la gang. C'est pas « on pense »,« je pense » ou « je suis sûr de ». On peut penser. Si tu me dis « penses-tu que la bourse ça va remonter? » Je pense que oui. Là, si tu dis « je pense que oui », ça veut dire que tu le sais pas. Tu vas te répondre « exact, je le sais pas ». J'ai une vibration qui me fait pencher du côté du oui. Je ne sais pas. Mais lorsque je sais, ton automobile, est-ce qu'elle est bien stationnée? Je pense que oui. Non, parce que Daniel t'a mal stationné, je crois. Ouais, ben c'est ça. Tu mets oui ou tu mets non, mais tu mets pas, je pense. Alors, l'être humain doit parler en son nom. Il doit éviter les mots faux. Et il y en a une panoplie de mots faux. C'est extrêmement intéressant quand on regarde ça. Et nécessairement, il doit s'arranger pour être capable de supporter ce qu'il dit. L'humain se détruit par sa parole. Combien de mots on dit dans un an? Un mot sur 10 en moyenne que j'ai compté était faux. Alors on passe près de 3 mois par année à se démolir. Donc c'est évident qu'à un moment donné, au cours de la vie, on est mal pris, sur la planète Terre, on est insécure, on ne sait pas où aller. Est-ce que tu te sens bien? Ah ouais, au pire, tout le temps. L'humain doit donc s'arranger pour écouter, éliminer ces mots faux. Il faut s'écouter parler. Ouais. On est plus intéressant souvent qu'autrui. Mais on ne le sait pas. On est tellement faux. On écoute l'autre. On fait une pause de 15 minutes. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet. On les amène par écrit. On écrit bien pour que Charles donne l'impression qu'il sache lire.